Vous écoutez France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir, hors champ en compagnie de Noël Ehrenschmidt. Née le 11 avril 1940 à Quinsac en Gironde, études secondaires, bac, école des métiers d'art, mariée, trois filles, Ariane, Sandrine, Valentine, six petits-enfants, Camille, Chloé, Lucie, Léa, Élise et Célestin. Et métier étrange et unique au monde, je crois, aquarelliste, reporter, c'est bien ça? Mais oui. Bah dites donc, vous êtes gentil d'être venu ce soir dans Hors-Champ, car vous devez être épuisé par toutes ces semaines passées au tribunal, puisque grâce à vous, en ouvrant le journal Le Monde, nous avons pu voir les protagonistes de l'affaire, l'affaire Clearstream. Vous y avez compris quelque chose? Pas vraiment, mais je suis là pour raconter ce que je ressens. Et on ne me demande pas de faire une analyse judiciaire. Heureusement, la journaliste, la chronique judiciaire est là pour analyser les choses. Moi, je suis là pour rapporter ce que je vois et pour permettre aux lecteurs d'être comme moi dans la salle, face aux témoins et à côté du tribunal. Alors tout cela, c'est parce que dans les tribunaux, il n'y a pas de possibilité de photographier. Mais vous, vous êtes autorisé à dessiner, à croquer. On est dans une tradition très ancienne du dessin d'assises, dans lequel le dessin est nécessaire, obligatoire, si on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du tribunal, à l'intérieur de la salle close, dans laquelle les débats vont durer des jours et où il n'y a aucune possibilité de voir autrement que par nos yeux. Nous avons une chance inouïe, nous, dessinateurs, de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'un tribunal pour vous, puisque vous les avez beaucoup fréquentés au cours de votre carrière? Un tribunal, c'est un théâtre. On connaît les acteurs, ils sont chacun à leur place. On connaît les actes de la pièce et on ne connaît jamais la dernière scène. On ne connaît jamais la chute. Et c'est ça qui est extraordinairement palpitant. Jusqu'au bout, on ne saura pas ce qui se passe. Et nous, on essaie de rendre compte de la pièce avec le décor et toutes les pièces mises en place. Il y a un rituel, il y a des places assignées, il y a des temporalités. Est-ce qu'on peut y échapper à toutes ces contraintes? Pas du tout, on n'est pas là, non, c'est tout à fait organisé. Le théâtre judiciaire est immuable, d'ailleurs ça m'a frappé. On y retourne, les choses sont les mêmes, le tribunal est à sa place, les avocats sont à leur place, le procureur est à sa place et nous avons la chance d'être à une place privilégiée puisqu'on voit tout de face. Donc notre rôle est de témoigner et de transmettre toutes les émotions que nous ressentons. Quand le procès Clearstream a commencé, le principal accusé, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, est venu avec son épouse et ses enfants. Pourquoi, à votre avis? Comment l'avez-vous ressenti, vous, Noël Ehrenschmidt? Je ne l'ai pas vu, moi. Puisque dans la salle d'audience où je me trouverais, où je me préparais à dessiner, je n'ai pas vu cette entrée. Je l'ai vu à l'intérieur de la salle d'assises, à un moment où il parlait avec ses enfants, et je me suis dit que personnellement, dans la même situation, j'aurais probablement demandé à ma famille de m'accompagner. Tellement c'est dur. Tellement tout tribunal est violent. Que ce soit le témoin ou que ce soit le prévenu, on est mis à nu. C'est toujours extrêmement fort, extrêmement inconfortable, mais aussi très explosif. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la minute qui suit. C'est pour ça que je mets toujours une date et une heure à mes dessins. Et c'est absolument passionnant parce que c'est encore une fois, c'est un tribunal humain. C'est un théâtre totalement humain, imprévisible, paradoxal, à l'image de ce que nous sommes tous. Je me souviens d'avoir été obligée de comparaître comme témoin lors d'un procès difficile. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'avant, les témoins sont mis dans une salle, ils sont comme sous condition, ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, quand ils arrivent à l'intérieur du tribunal, Eh bien, c'est comme si c'était une sorte de liberté sous contrainte, parce que avant, il y a eu une sorte d'emprisonnement, entre guillemets. Mais d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'on n'apprend pas à témoigner. Moi, j'ai vu des témoins tellement terrifiés par le procureur qui posait des questions banales. Il était figé à la barre, il ne pouvait pas prononcer une parole. Tout citoyen devrait assister à un procès pour savoir ce qui va s'y passer et pour savoir qui sera peut-être amené à témoigner, donc à retrouver dans des souvenirs, difficiles d'ailleurs moi-même, est-ce que je sais ce que j'ai fait il y a 5 ans, ce qu'on va lui demander. Ça serait pratiquement quelque chose, un apprentissage citoyen, si je puis dire. Nous allons revenir sur les nombreux procès auxquels vous avez assisté en tant qu'aquarelliste reporter, parce qu'il y a eu de très grands procès dans notre histoire contemporaine. Le procès Barbie, le procès Touvier, le procès Papon. Mais auparavant, votre vie était bien plus tranquille, un long fleuve tranquille, Noël Ehrenschmidt, parce que vous avez commencé à Okapi. J'ai commencé même à Pomme d'Api, c'est encore plus ancien. Là, je suis vraiment dans un passé. C'est 1971, les journaux pour enfants de Bayard Presse débutaient et j'ai commencé avec Pomme d'Api pratiquement 6 mois ou quelques années. Mais c'était vachement bien. Ah, mais c'était tout ce que je vivais d'ailleurs. C'était du reportage avant la lettre puisque j'étais une mère au foyer. Dans les années 70-65, beaucoup de femmes étaient encore au foyer. Mais c'est vrai que vous avez commencé très tard votre carrière. Mais oui, j'ai commencé à 31 ans. Très tard. Donc avant, j'avais eu des enfants, j'avais une vie extrêmement simple, comme vous disiez, une vie quotidienne extrêmement facile. Et puis en 71, j'ai eu un déclic, je me suis dit, tout ce dessin que j'ai emmagasiné depuis mon enfance, puisque j'ai toujours dessiné, mon arrière-grand-père était peintre, ma mère était aquarelliste, quand est-ce que je vais me dessiner, me décéder à dessiner? Et en fait, en 71... Double lapsus. Hein. Oui, intéressant. Donc en 71, je me suis jetée dans le travail. Et Bayard commençait à créer ses journaux Pomme d'Api, ensuite Astrapi, ensuite Okapi, ensuite Record. Et au fil des années, ma vie de famille a suivi pratiquement l'évolution des journaux. J'ai commencé avec des enfants petits, ma dernière fille avait 1 an et demi. Ensuite, j'ai continué avec Astrapi, c'était les enfants de 8-10 ans. Ensuite Okapi, 10-12 ans. Ensuite Record, les adolescents. Et à un moment, en 83, vous le faisiez peut-être exprès, vous leur demandiez de créer des journaux pour vos propres enfants. En tout cas, je demandais à mes enfants de poser. Je me souviens très bien. Déjà, j'étais dans la réalité et j'avais un imaginaire au ras des pâquerettes, si je puis dire. Et en 83, mes enfants grandissaient. Je m'ennuyais en dessinant pour les petits. J'ai donc décidé d'arrêter l'illustration. Ça n'était plus mon truc. J'ai cherché une deuxième voie. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait plus d'illustration, comme je le faisais? Eh bien, on essaie de trouver ce qu'on pourrait faire. Ça m'a pris des années. Mais j'avais eu la chance d'aller entre-temps à Calcutta, pour Astrapi, justement, et de connaître ce que c'était qu'ailleurs. J'avais été voir là-bas si j'y étais. Et c'est là-bas qu'effectivement, j'ai commencé à me trouver. Parce que quand on est à Calcutta, les repères sont explosés. Je ne dessinais pas, parce qu'à l'époque, j'aurais été incapable de dessiner dans la rue. Mais j'ai vu que cette vie extrêmement violente que je découvrais, ce monde extrêmement dur de Calcutta, me convenait et que j'étais fait non pas pour le dessiner, mais en tout cas pour l'apprivoiser et pour l'écouter. Ça a été un premier pas, mais entre 80 où je suis allée à Calcutta et le jour où j'ai vraiment commencé à faire du reportage, il s'est encore passé 10 ans. Eh bien, je vous propose, Noël Ehrenschmidt, d'écouter la voix de Mère Teresa. Love is a giving, and we must give until it hurts. And as long as we hold on to the material and we forget that it has been given to us to use, to give, to share, and not to hold, there will be always unhappiness, war, destruction in the world. Aimer, c'est donner. Et nous devons donner jusqu'à ce que cela nous fasse mal. Tant que nous tiendrons aux choses matérielles et que nous oublierons que ces choses nous ont été données pour qu'on les partage et non pour les garder, il y aura toujours le malheur, la guerre, la destruction. Que vous a-t-elle appris, Mère Teresa, puisque vous avez fait un livre avec elle, vous avez eu la chance de la côtoyer? Elle m'a appris justement à regarder ce qui n'est pas regardable. Moi, je me souviens quand même du mouroir. Je me souviens de tous ces lieux où il y avait des lépreux. A priori, ça n'est pas regardable. Or, si on ne regarde pas en face la réalité, on passe à côté des choses essentielles et on est, non pas dans le matériel, je suis bien entendu dans le matériel, mais il faut aller au-delà du matériel. Et quand je réentends cette voix, je pense que depuis 20 ans, c'est exactement le travail que je tente de faire, être dans le réel et aller au-delà du réel pour aller voir ce qu'on n'a pas envie de regarder, mais que je pense nécessaire de voir en face. C'est pour ces raisons que vous avez décidé de vous introduire dans un monde très clos et aussi très douloureux, et pendant très longtemps, car c'est une de vos méthodes, Noël Ehrenschmidt, le monde de l'hôpital. Oui, je dis toujours que la base de mon travail et sa force, c'est que j'ai le temps. Je dis toujours, je ne suis pas pressée, j'ai le temps. Il m'arrive de ne pas avoir le temps, mais si on ne fait pas comme si on avait le temps, on passe à côté. On ne peut pas arriver dans des lieux clos dans lesquels j'ai pu travailler, les prisons, la justice, l'hôpital dont vous parlez, en disant j'arrive, qu'est-ce que vous pensez de ce lieu dans lequel vous vivez? Ça, c'est hors de question. Il faut que les gens aient envie de partager. Il faut que les gens aient envie de parler. Pour que les gens aient envie de parler, il faut que ce soit nécessaire. Dans un lieu comme l'hôpital, qui est un lieu clos, au même titre que la prison, je pense que l'hôpital et la maladie enferment de la même façon. Tous ces lieux clos demandent d'être apprivoisés. Et une fois que les gens ont accepté que je suis là pour les écouter et pour transmettre, je suis là comme reporter. Je ne suis pas là pour écouter comme un psy. Je suis là pour transmettre au lecteur ce que j'ai entendu. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas à l'hôpital, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est l'hôpital? Vous êtes en prison, je n'y suis pas. Qu'est-ce que c'est que vivre en prison? Et bien entendu, je dessine, puisque je suis, vous l'avez dit, reporter aquarelliste. Donc le dessin va permettre au lecteur d'entrer par le dessin dans un monde souvent difficile, mais un monde qui, par la grâce de l'aquarelle, donnera envie d'aller jusqu'au texte. Et ça, pour moi, c'est vital. Aquarelle, texte, témoignage, exactement la même chose, mais il faut entrer par le dessin pour aller jusqu'au texte et jusqu'aux situations violentes que j'ai pu rencontrer à l'hôpital. Comment obtenez-vous les clés de l'hôpital? Comment arrivez-vous à avoir cette confiance aussi bien de la part des personnels soignants que des malades? Comment arrivez-vous à faire dire à des gens des choses absolument extraordinaires? La pratique de me faire ouvrir des portes, je l'ai apprise au cours des 20 dernières années. Et alors, quand je suis allée au Vatican, ça a été le sommet. Quand on peut se faire ouvrir les portes du Vatican... Oui, j'ai oublié que vous étiez allée au cœur de la sainteté. En tout cas, la sainteté, je ne sais pas, mais en tout cas, au cœur du Vatican, quand on a réussi à se faire ouvrir les portes du Vatican, il n'y a aucune porte qui ne soit ouvrable. C'est quelque chose... Patience et obstination sont les deux clés qui font ouvrir les portes. D'abord, il faut avoir l'autorisation de l'institution, donc du directeur de l'institution. Une fois que j'avais eu l'autorisation de M. Durlemont, en l'occurrence pour l'hôpital, il suffisait d'aller d'hôpital en hôpital, en suivant les sujets que moi j'avais envie de traiter, et de se faire accepter par le chef de service, par le personnel. Et une fois que toutes ces personnes étaient d'accord pour que je vienne, habillée d'une blouse blanche, je me faisais accepter par les patients, souvent avec l'aide des aides-soignants. Il ne faut pas oublier que les aides-soignants connaissent parfaitement leur monde et c'est eux qui m'ouvraient les portes. Je ne suis jamais, bien entendu, allée dans une chambre sans avoir l'autorisation de la personne et du personnel. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de confiance. Et une fois que la confiance est là, il ne faut pas oublier que dans des lieux clos, comme l'hôpital et comme ce que je viens de faire, d'ailleurs, sur le communauté religieuse, les gens ont besoin de témoigner. La douleur a envie d'être partagée. Qu'est-ce que c'est que la douleur? Mais qu'est-ce que c'est aussi que la guérison? Qu'est-ce que c'est naître? Qu'est-ce que c'est mourir? Est-ce qu'il y a un au-delà? Ces questions que j'ai rencontrées à l'hôpital et qui sont les questions que tout le monde se pose, puisque je ne travaille que dans l'humain. Vous le savez bien, s'il n'y a pas de patte humaine, j'irai pas dessiner le plus beau décor ou la plus belle, le plus beau paysage s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Peut-être que j'en aurai envie dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, j'ai envie essentiellement de dessiner des êtres humains, où qu'ils soient. Donc, les choses deviennent simples. Je dis aux gens, que voulez-vous transmettre? Ils me le disent. Et à ce moment-là, il n'y a pas de questions posées qui n'ait pas de réponse, et des réponses personnelles, paradoxales, puisqu'étant dans l'humain, je n'ai pas d'a priori, j'écoute et je suis toujours surprise et éblouie par la parole de celui qui est devant moi. Je me souviens, dans votre livre sur l'hôpital, des paroles que vous a prononcées une femme qui était en train de mourir, ainsi qu'une femme qui venait de donner naissance à un enfant. Et effectivement, je me demande comment vous faites pour parvenir à l'intime qui devient universel. D'abord, chose très importante, je vis sur les lieux. Je pense qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas revenir chez soi le soir, youpi, tralala, on dîne, on est en famille et le lendemain, on revient sur le lieu. Ça, en prison, je dormais à côté de la prison. À l'hôpital, j'ai dormi dans les services. On ne peut pas aller dans les soins palliatifs, rentrer chez soi confortablement et penser que le lendemain, on sera sur la même longueur d'onde. Il faut s'imprégner totalement. Il faut plonger, mais en veillant à garder la tête hors de l'eau. On n'est pas noyé quand on est avec. On n'est jamais spectateur, on est dans le dialogue. Je suis avec ceux que je dessine. Et j'allais dire que je dessine avec eux. Il y a des dessins que j'ai faits en partenariat, en dialogue avec les personnes que je dessinais. La fin de vie, des choses aussi importantes, je les ai faites avec l'équipe des soins palliatifs. J'étais totalement en osmose avec eux. Et ça, cette osmose se gagne, comme vous dites, avec le temps. Et à ce moment-là, une fois que le temps est gagné, tout le reste est simple. Et la parole vient toute seule. Et le livre se fait, j'allais dire, avec moi et malgré moi. Et c'est vrai de l'hôpital, c'est vrai de ce que j'ai fait dernièrement. Si on accepte le temps, tout est possible. Dernièrement, c'était donc les communautés religieuses. Oui, au-delà même des communautés, ce sont les gens face à eux-mêmes. Les communautés, c'est encore un peu hiérarchisé. Là, on n'est même plus dans les communautés, on est avec la base. Qu'est-ce que c'est devenir bouddhiste? Qu'est-ce que c'est être catholique? Qu'est-ce que c'est être musulman, juif, orthodoxe, protestant? On est au-delà, on est face à soi-même. Et en commençant ce travail, je me suis aperçue de l'énormité de la tâche parce que demander à quelqu'un « à quoi croyez-vous » c'est encore plus intime que de partager la souffrance. La souffrance est partageable, est-ce qu'on a envie de partager la foi? Ça a été mon problème et ça a été tout le travail de ce livre que j'ai fait aussi d'ailleurs en 3 ans, arriver à donner des mots. Parce qu'à chaque fois, c'est un investissement complet de votre part, corps et âme si j'ose dire. Tout à fait. Et donc 3 ans de votre vie. Tout à fait, à la vie, à la mort, corps et âme, ce sont des déclarations d'amour presque que je prends tout à fait pour moi et qui me permettent d'avancer. Et s'il n'y a pas cet engagement personnel, pour moi, il n'y a pas de livre où il y a un livre qui va tricher parce que ça ne sera pas du pour de vrai. Or, je suis totalement le pour de vrai parce que je pense que la réalité dépasse largement la fiction. Nous vous proposons d'écouter un chant orthodoxe pour rendre hommage à votre dernier travail sur les communautés religieuses. Горя не было, возрастать я стал, горе прибыло. Куда не пойду, в беду попаду. С кем держу совет, ни в ком правды нет. Здешний мир, пойду в монастырь, пойду в монастырь, там я выстрою. La musique ne joue pas le même rôle dans toutes les religions, mais par contre, le chant, oui. Dans quelle communauté religieuse avez-vous senti l'esprit le plus fort de communauté soudée, Noël Ehrenschmidt? Il n'y a pas le plus. Chaque communauté réagit avec ce qu'elle est. Et quand j'entends cette voix, pour le coup, ça me touche énormément, parce que dans chaque groupe, communauté spirituelle, la voix... Hein, corps et âme, on est un corps. Moi, je pense à l'âme incarnée dans le corps. Or, cette voix, moi qui chante depuis toujours, me fait littéralement planer. J'ai un souvenir de mon passage à la mosquée de Gennevilliers où j'allais dessiner le ramadan et où il y avait un imam de 23 ans qui avait d'ailleurs un prix de la plus belle voix d'imam. Et alors, cette voix, je l'ai encore dans l'estomac, il n'y a pas d'autre mot, il me faisait littéralement dessiner 12 heures de suite, la voix vous porte. Et quand j'entends ces voix, et quand j'ai été à l'Institut Saint-Serge avec ces voix de basse russes qui font trembler les murs, c'est quelque chose d'inouï. La spiritualité passe par la voix. Mais les cantiques protestants, qui sont souvent à base de musique classique, sont aussi formidables. J'ai un souvenir dans le désert où il y avait donc ceux qui ont résisté, c'est les guerres de religion. Il ne faut pas oublier que ce que j'ai fait, c'est un tour de France social et historique, l'histoire de France. Je me souviens de cette femme qui, en Languedoc, se plante devant l'orchestre. C'était la répétition pour le lendemain, pour la fête du désert, donc la fête annuelle protestante. Et cette femme chante en Languedoc la lamentation des femmes enfermées dans la tour. Mais je ne peux pas vous dire, et quand je réentends ces voix, je suis encore dans le lieu. La voix est vraiment un des passages, je pense, de la vie spirituelle et de la prière. Et vous chantez quoi? Nous chantons depuis 30 ans. Et actuellement, nous sommes un petit groupe qui chantons dans les maisons de retraite des choses extrêmement gaies, extrêmement joyeuses. Et on est en train de faire un spectacle sur les éléments marins et on s'amuse énormément. Et je pense que la voix aide à dessiner. Je pense que souvent la musique et le dessin vont de pair. L'un aide l'autre. Les émotions de l'un passent aussi par la voix. Et c'est quelque chose qui est absolument revigofiant. Excitant. Oui, c'est joli, c'est un mot valise, comme dirait Freud, revigofiant. Exactement, et alors, de chanter me permet de dessiner beaucoup mieux. Un petit extrait du chant de Noël Ehrenschmidt, pour nous. Oh là là, alors là, vous me prenez au dépourvu. Ça, c'est un peu difficile de chanter en direct comme ça. J'ai absolument pas envisagé de chanter. Eh bien, alors, je vais vous parler d'autre chose qui vous tient beaucoup à cœur, et à nous aussi. Car on a bien compris depuis le début de cette émission que vous n'étiez pas qu'une artiste, vous êtes aussi quelqu'un de très engagé. Et il y a eu une période très douloureuse, c'était l'arrivée des Boat People en France. De cette période, nous nous souvenons, mais vous avez été encore une fois en amont, en avance, et vous avez été voir ces gens qui, du Vietnam, devaient partir de leur propre pays pour essayer d'être accueillis tant bien que mal dans cet Occident qui ne voulait pas d'eux. Comment avez-vous fait, encore une fois, pour pouvoir rentrer à l'intérieur des communautés et comment avez-vous vécu cette tragédie? C'est très étonnant ce que vous dites. C'est mon premier reportage. Ça s'appelait « Sur les voies des Boat People »,« Sur les traces des Boat People ». Et je suis allée à Hong Kong et au Vietnam. C'était la première fois que je faisais du dessin en direct. Et ça a été un choc déterminant, puisque à la suite de ça, je me suis dit que j'étais faite pour ça. Mais d'aller dans les camps de réfugiés, rencontrer des gens qui ne me parlaient pas, puisque eux parlaient vietnamien. Et ce que j'ai compris, c'est que l'aquarelle va au-delà des mots et au-delà de l'apparence. En fait, ces gens-là ne parlaient pas par les mots, mais par leur regard. Et les regards de ce livre, je débutais, mais le regard de ce livre prenait littéralement le pinceau. Et au travers de ces regards, c'était la tragédie de ce qui vivait que je pouvais exprimer. Et ce que vous dites est d'autant plus surprenant que quand je suis allée récemment voir les bouddhistes vietnamiens à Nantes, il se trouve que, ayant dessiné les bouddhistes tibétains, on m'a proposé d'aller dessiner l'ouverture d'une pagode vietnamienne à Nantes. Vous entrez dans la pagode, vous êtes au Vietnam. Et qui j'ai rencontré là? Des boat people, figurez-vous. J'ai eu le sentiment que la boucle se bouclait. C'était il y a 2 ans. Et je rencontre ces boat people qui me racontent, dans leurs mots français matinés de vietnamiens, exactement ce que j'avais vécu en direct, mais sans vraiment le comprendre, 20 ans auparavant. Et ces boat people que j'ai d'ailleurs retranscrits et qui me racontent ce chemin incroyable de bateau en bateau et qui arrivent en France en disant « Je suis bien, je suis chez moi, nous avons une pagode » et c'est un homme qui, au bout de ce périple, est venu avec sa famille, sa femme est cuisinière dans la pagode et ils me disent « On est bien, on a trouvé ce vers quoi nous tendions ». Et la France nous a accueillis. Magnifique témoignage d'espoir que j'avais entrevu 20 ans auparavant et dont j'ai trouvé la conclusion avec ce nouveau livre, Corps et âme. Mais il faut être quand même drôlement aguerri, Noël Ehrenschmid, pour vivre ce que vous avez vécu, parce que je pense que ce n'était pas tous les jours facile. Et vous êtes un témoin majeur de notre histoire contemporaine et des conséquences de la guerre, puisque vous avez eu la possibilité de pouvoir suivre en tant que reporter aquarelliste le procès Barbie, le procès Touvier et le procès Papon. Pourquoi tant d'obstination de votre part? Mais parce que j'ai découvert, après avoir travaillé pour les petits, j'ai découvert en 87 le dessin d'assises. J'étais journaliste, je suis journaliste depuis 74. Avec ma carte de journaliste, je suis arrivée au Palais de justice de Paris en assises. J'avais à l'époque une plume et de langue de Chine. Et j'ai été littéralement éblouie. J'ai dit ce que je cherche depuis des années, c'est ça, un lieu clos, des émotions très fortes, et puis en plus, comme je vous disais tout à l'heure, un théâtre humain formidable. Donc j'ai dessiné et immédiatement après, j'ai été envoyée par le journal La Croix au procès Barbie, toujours avec ma plume et mon encre de Chine. Et là, ça a été un baptême du feu, parce que quand on résiste à ce qu'on entend au procès Barbie, c'était effroyable. J'en ai un souvenir de ces journées de mai où les mères venaient raconter ce qu'elles avaient vécu dans les camps. C'est la première fois qu'elles ouvraient la bouche. Elles étaient toutes en dimanche, je me souviens, ongles faits, bien coiffées, bien habillées. Elles allaient témoigner et dire des choses. Je me souviens des blancs qu'il y avait dans la salle. On était tous, mais bouleversés. On ne pleure pas quand on dessine, puisqu'on est là pour transmettre ce qu'on ressent. Mais intérieurement, on était en compote. Et le fait d'être en compote permet de dessiner pratiquement sans s'en rendre compte. Le meilleur dessin, c'est celui qui échappe au pinceau. Et il est évident que quand on entend des choses comme ça, qu'on vit, comme vous disiez, des choses aussi fortes que ce qu'on vit à l'hôpital, ou qu'on écoute ce que j'ai entendu dans mon dernier vie sur les religions, on décroche du monde. On est au-delà. On est totalement dans l'émotion. Et à ce moment-là, tout est supportable puisqu'on est là pour transmettre. On n'est jamais, jamais, jamais spectateur. Si on est spectateur, on est voyeur, on est cuit, on est fichu. Mais par contre, retransmettre les émotions même terribles et nécessaires de quelqu'un qui vous raconte de ce qu'elle a vécu. Je me souviens de Simone Lagrange qui racontait ce qu'elle avait vécu à 14 ans. Mais le passé, cette émotion, est nécessaire. Je suis là dans mon métier, je suis là dans ce à quoi je crois. C'est faire passer l'indicible par le dessin. Donc, il n'y a pas de limite à ce que je peux dessiner, parce qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux absorber, parce qu'il n'y a pas de limite à ce que je pense nécessaire de dessiner. Et je n'ai pas de limite à pouvoir dessiner l'indicible. Et puis, vous êtes aussi, Noël Ehrenschmid, non manichéenne. C'est-à-dire que vous arrivez à transmettre, par les dessins que vous faites à l'intérieur du tribunal, que ce soit pour Barbie, Touvier et Papon, une possibilité d'humanité qui existe à l'intérieur de ces hommes-là, qui pourtant n'éprouvent pas de responsabilité ni de culpabilité. C'est peut-être là que vous êtes la plus incroyable des reporters. Je vous propose d'écouter, en février 98, un extrait du procès Maurice Papon. Vous avez la parole, Maître Klarsfeld. Merci. Bon. Question à la... qui se base sur un document évoqué par monsieur Cohen et qui a été versé au dossier par monsieur Bergès. Il y est dit dans ce document qui émane du grand rabbin Cohen, le chef de division des questions juives, c'est-à-dire Gara, me dit que les Allemands avaient décidé de me retirer les enfants qui n'avaient pas de famille apparentée habitant en Gironde, afin de les envoyer rejoindre leurs parents là où ils se trouvaient. Mais je me souviens, Maurice Papon, que la lettre de Luther, qui vous est adressée le 21 août, mentionne que les enfants des parents qui ont été raflés en juillet doivent partir rejoindre leurs parents. Alors je vois là une différence entre la demande allemande de tous les enfants et la répercussion qu'en fait la préfecture, se limitant aux enfants qui n'ont pas de parents directs en Gironde. Alors je vous demande, Maurice Papon, n'est-ce pas là un choix délibéré de la préfecture ? Pardon, une seconde, laissez le témoin là, s'asseoir sur le côté, je la rappellerai à la barre tout à l'heure si les questions lui sont posées. Asseyez-vous là, monsieur, asseyez-vous là, voilà. Poursuivez votre question. N'est-ce pas là un choix délibéré de la préfecture pour débarrasser l'administration bordelaise de la charge des enfants ? Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de rappeler à la partie civile qu'elle a déjà posé cette question à deux reprises ? Oui, mais me basant sur d'autres documents. Celui-ci vient confirmer. Nous allons avoir une troisième réponse de l'accusé qui sera peut-être. Oui, mais sur des documents différents. Oui, oui, répondez. Répondez à la question. Oui, j'allais dire que Maître Klarsfeld manque un peu d'imagination parce que cette question a déjà été posée, elle a été débattue et j'ai été amené à m'expliquer sur ce point. Par conséquent, je n'ai pas réitéré ce qui a été dit et compris clairement par tout le monde. Non, ce que je souhaiterais comprendre, c'est comment vous expliquez la différence entre la demande allemande que tous les enfants soient ramenés et le fait qu'il soit mentionné que ce ne sont seulement ceux qui n'ont pas de parents en Gironde, c'est-à-dire pas de parents qui peuvent les prendre en charge, et que la charge de ceux qui n'ont pas de parents peut retomber sur la préfecture. Alors je vous demande d'expliquer comment la différence entre la demande allemande et la répercussion qu'en fait le chef de division des questions juives, c'est-à-dire Gara. Comment vous expliquez, ou vous, comment vous n'expliquez pas cette différence? Et la préfecture joue apparemment un rôle, puisqu'elle retransmet la demande, mais elle la limite. Est-ce que vous pouvez à nouveau nous éclairer sur les conditions dans lesquelles il a été décidé de limiter les exigences allemandes aux seuls enfants qui n'avaient pas de parents en Gironde ? Voilà la question qui vous est posée. Non, sans observer auparavant que cette question est odieuse. Je sais que c'est devenu un leitmotiv dans la bouche de Maître Klarsfeld. Ce n'est pas une raison pour tolérer le renouvellement incessant des calomnies ou d'hypothèses aussi extrêmes. J'en ai fait déjà l'observation à Maître Klarsfeld, en vain, ainsi que le prouve sa récidive d'aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à ma question, les faits sont les faits, il y a une demande allemande qui comprend tous les enfants, et il y a une répercussion de la préfecture qui limite, mais qui limite non pas par bonté, mais pour se débarrasser d'un problème. Ça c'est quelque chose, ça me fait vraiment quelque chose de réentendre ça. D'autant plus que sur Papon, je vais vous raconter quelque chose. Le président Castagnède, qui entre nous est mort un mois après Papon, Castagnède était un homme jeune, et ces deux personnes meurent pratiquement à un mois d'intervalle. Castagnède, le président Castagnède, m'avait permis de dessiner partout. On ne peut pas rester 6 mois dans un même lieu, pour Le Monde, en faisant un dessin tous les jours, sans pouvoir bouger. Sinon, j'avais dit au président, écoutez, je vais mourir, moi, de faire le même plan. Et il m'avait permis de dessiner Maurice Papon, qui attendait dans la petite salle, son petit salon, j'allais dire, privé. Je vais le dessiner, je dessine cet homme en train de regarder un journal, dans le journal, un article le concernant. Il avait ce jour-là une chemise rose, je lui parle de sa chemise rose, et il me dit, non pas rose, cyclamen. Et j'ai trouvé que cette précision décrivait l'homme, un papon différent de celui du tribunal, un papon lisant son journal, il manquait plus que la tasse de thé sur la petite table entre nous deux, et qui parle de cette chemise cyclamen, précision formidable. Et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, tous les êtres humains sont doubles. On n'est jamais totalement bon et totalement méchant. On est toujours ambigu. Et ce Maurice Papon, très homme du monde, qui me parle de sa chemise cyclamen, c'est le même qui répondait sans répondre à Maître Klaasfeld. De même que vous me parliez du procès Barbie, ce Barbie que j'ai vu ému 10 secondes quand le procureur Pierre Truche lui a posé la question, et vos enfants, quand ils entendront vos réponses, qu'est-ce qu'ils penseront de vous? J'étais à côté de Barbie, il a été ému un quart de seconde, et je l'ai saisi ce quart de seconde, puisque j'étais comme vous et moi, on était 50 cm d'écart. Et c'est ça le dessin, c'est arriver à saisir l'émotion fugace d'un regard. Or, cette émotion existe, elle fait partie de l'homme. Et si ce Barbie était l'homme implacable et terrifiant que j'ai dessiné après, il a été, 10 secondes, l'homme ému que j'ai dessiné. Et c'est ça qui est passionnant dans l'être humain. On est deux, on est imprévisible, et c'est pour ça que l'idée de l'homme, on m'a souvent dit, est un homme terrible, est-ce que vous le dessinerez? Bien entendu que je le dessinerai. Il n'y a pas de limite à dessiner un homme. Il sera peut-être terrible, mais il sera peut-être charmant. Pourquoi ne pas dessiner les gens tels qu'ils se montrent? Et peut-être un jour que j'arriverai à les dessiner tels qu'ils sont. Je pense que le dessin est capable d'aller au-delà de l'apparence, je vous le disais, et de décrypter l'âme de quelqu'un, ou en tout cas l'intérieur de quelqu'un, même si ça n'est pas volontaire de ma part, et même si la personne que je dessine n'en a pas conscience. Quelle leçon historique tirez-vous, Noël Ehrenschmidt, de ces 3 procès Barbie, Touvier, Papon? Certains ont dit que ce n'était pas la peine de poursuivre des vieillards cacochis, mais qu'il fallait mieux les laisser mourir chez eux. Moi, j'ai l'impression, en lisant vos livres, que vous faites acte de mémoire, acte de justice et acte de réhabilitation de la vérité. Et il ne faut jamais oublier que ces procès sont faits des témoignages des victimes. Qu'est-ce que fait une victime qui n'a pas droit à la parole? Elles gardent, jusqu'au procès Barbie, ils ont gardé dans leur cœur des choses qu'ils ne pouvaient même pas dire. On leur donne la possibilité à Barbie de s'exprimer pour l'histoire, pour la société. Et ça, c'est indispensable, la parole, terrible d'ailleurs, et salutaire, parce qu'une fois que les choses sont dites, elles sont inscrites. Il ne faut pas oublier que ces procès sont enregistrés. Autrement dit, c'est vraiment pour l'histoire. Et je pense que donner la parole aux victimes, c'est les libérer de quelque chose et leur permettre probablement de continuer de vivre et continuer de transmettre à leurs enfants ce qu'elles auront dit. C'est peut-être leur donner une vie, non pas plus facile, mais moins douloureuse, j'allais dire. Donc, il est évident que c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, où il y a quelques années, il y a eu encore des génocides. Ça continue, que l'histoire est totalement en train de se répéter. Et est-ce que nous, qui en sommes les témoins vivants, nous en sommes conscients? J'ai travaillé à La Haye. J'ai dessiné à La Haye au moment où on ouvrait les charniers du Rwanda. Et j'en ai souvenir, mais de m'en être pris plein la gueule, là, parce que je n'avais pas à dessiner, mais j'entendais ce qui m'était dit. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on en est conscient? Est-ce qu'on en parle? Bon, question qui n'a pas de réponse, mais qui est essentielle. Actuellement, essayons d'être conscients de ce qui se passe chez nous ou autour de nous. Et il n'y a pas 50 ans, on est dans l'actualité, là. Justement, vous avez travaillé beaucoup en prison et à l'hôpital. Vous nous l'avez expliqué tout au long de cette émission. Ces deux institutions vont très mal. Comment voyez-vous l'évolution de ces institutions? Alors ça, c'est une question dont je ne peux pas donner de réponse. Ce que je constate, c'est que dans les prisons, en tout cas au prétoire, c'est-à-dire le tribunal interne, maintenant il y a un avocat à côté du prévenu, il ne faut pas l'oublier ça, de dire que le prévenu n'est pas seul, il est accompagné, ça c'est un bien. Je sais qu'il existe quelques maisons familiales où un prévenu ou un détenu, plutôt un détenu, là, je me plante là, plutôt quelqu'un qui est en prison peut passer plusieurs jours avec sa famille, avec sa femme. Ça n'existait pas quand j'y étais. Donc ça, c'est un bien. Malheureusement, à l'époque, il y avait 50 000 détenus, il y en a maintenant 65 000 ou quelque chose comme ça. Comment faire? Donc on crée des nouvelles prisons, on met de plus en plus de gens en prison. Oui, la solution, je ne peux pas le dire. Ça n'est pas mon rôle, mais en tout cas, il y a un problème énorme, un problème de société. L'hôpital va mal, puisque à l'époque, j'ai dessiné de 97 un arrêt pour le Vatican et ensuite jusqu'en 2003. Tout le monde me dit que je ne pourrais plus faire maintenant ce que j'avais fait, puisque les gens n'auraient plus le temps de me consacrer tout le temps qu'ils ont passé. Puisqu'il y a un problème complet à l'hôpital. Mais l'hôpital et les prisons, c'est quand même nous, puisqu'on est protégé jusqu'au jour où on est en prison. On peut être dans la prison et repartir libre, puisqu'on a été en prison avant d'être jugé. Il ne faut pas l'oublier, ça peut arriver à n'importe qui. L'hôpital, c'est nous. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Je crois que c'est chacun d'entre nous qui doit essayer de réfléchir à ce que nous voulons et comment faire pour que les choses aillent mieux. Ça, c'est un problème de société totale qui correspond à tout ce que nous sommes. Agissons pour que les choses aillent mieux, chacun à notre niveau. De même qu'au niveau des religions, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les gens ont des idées préconçues sur l'autre, celui qui n'est pas comme nous. Et le livre que j'ai fait, c'est une tentative de dire « soyons tolérants ». Acceptons le voisin qui ne pense pas comme nous, qui ne pratique pas ce à quoi il croit de la même façon que nous, mais ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il n'est pas respectable. Essayons d'être tolérants pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui souffrent. Il ne faut pas oublier que pour l'hôpital, beaucoup de gens m'ont dit « j'ai acheté tous vos livres, mais ne comptez pas sur moi pour acheter celui-là, parce que l'hôpital fait peur ». Donc on est dans une société qui a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, j'essaye dans mes livres de montrer que la réalité est beaucoup moins terrible qu'on ne l'imagine. Regardez, allez dans une mosquée, allez dans une synagogue, écoutez les gens, essayez de prêter attention, pourquoi est-ce qu'ils font Ramadan? Pourquoi est-ce qu'au Shabbat, les Juifs ne travaillent pas? Pourquoi? Il y a des raisons qu'on trouvera dans le livre, les gens disent pourquoi. Une fois qu'on a compris pourquoi, on ne pose plus de jugement de valeur. On ne dit pas « ceux-là ont tort, ceux-là ont raison ». Ils n'ont ni tort ni raison, ils vivent ce qu'ils croient de leur façon. Et ce n'est pas pour autant qu'on est si différents en profondeur. Moi, ce que j'ai retenu de mes 20 ans de travail, c'est que tous les hommes se posent les mêmes questions, sont devant les mêmes situations. Ils y répondent comme ils peuvent. Mais en tout cas, respectons les uns et les autres ce que nous sommes. J'allais dire, respectons-nous pour nos différences. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas mieux ou moins bien. Mais en tout cas, c'est ça qui fonde l'humanité, ce sont des gens les uns à côté des autres, différents, mais essayons de les écouter, essayons d'avoir envie de leur tendre la main. Et je pense qu'à ce moment-là, l'avenir ne sera pas sombre, comme on le prédit souvent, mais ouvert à quelque chose que j'appellerais l'espoir. Éric Boisset, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Laetitia Cordonnier, Catherine Parent, Laure Adler, toute l'équipe de Hors-Champ vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Culture. À minuit moins 10 à la Weinstein du jour au lendemain, mais tout de suite, les passagers de la nuit, Thomas Baumgartner.